Salut Phil, plaisir de te revoir. Attention, ça marche. 280. Moi, je suis malade aussi. Thank you. Je suis malade. Thank you. fait de la basse. On est parti, Viti. Et t'entends plus là. Oh oh oh oh. This someone's still more innocent. Malade. Bluesman, t'es pire que moi, toi. Tu changes tous les deux. Mais si, il y avait Titi tout à l'heure. Je suis arrivé, il y avait Titi. Qui va, l'inspecteur gadget. C'est toute ma jeunesse. Et là qui va, l'inspecteur gadget. Bilos qui arrive et qui nous balance du classique. Je suis le piano. Piano. Piano me. On va te suivre. Vas-y. Let's play what you want. Let's play ce que tu veux. D'autres styles. On peut essayer, on va faire un blues. Si tu fais, est-ce que tu fait d'autres styles. Merde, j'ai plus trompé. Allez, on va leur faire un blues pour faire plaisir. Il faut voter là. Thank you. Il est parti. Ah, sacré bluesman. À chaque fois, il me fait un morceau de blues et après, il s'en va. Il reste pas longtemps, lui. Bon, moi, j'ai pas envie de faire de blues. Ah, moi, je suis pas vous, j'ai pas envie de faire de... J'ai pas envie de jouer de blues. J'essaye un truc. Attends, j'essaye un truc. En 16. New chord. 2, 3, 4. Oh, nul à chier. Nul. We'll be right back. Mais vas-y, vas-y. Excuse-moi, c'est fort, Harrison. Vas-y, j'essaie de me dire. Thank you. Oui, c'est vrai que j'aime bien ton son, Phil. Toi qui nous habitues à des super sons de tuerie. Je vais accorder ma basse. J'ai l'impression que...